Mais celui-ci se détourna, confiant en sa puissance, et dit : « C'est un magicien ou un possédé ? »